tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, Variation sur la beauté, une série documentaire d'Élise Andrieux, réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a un éblouissement, une étrange sensation de bien-être et des questions. À quel point est-ce que le beau peut faire du bien? Pourquoi les jambes se dérobent? Pourquoi le souffle se coupe? Pourquoi la respiration s'accélère? Pourquoi cette courbe, cette fleur, cette couleur, cette mélodie, ce paysage, cet édifice? Mais aussi, comment elle côtoie la laideur et à partir de quand la laideur devient belle? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un petit repli secret dans lequel la beauté finit par se cacher. Alors pour commencer, les personnages. Un gardien heureux, des gens saisis, un organiste en extase, un sonneur de cloche, un amoureux du bourdon qui tend l'oreille les soirs d'orage, des prêtres allongés sur la pierre, un recteur, une dame qui nettoie autant qu'elle aime et un architecte sous le charme. Ensuite le décor. Le parvis, la rosace, le beffroi, une beauté parfois trop grande, la cathédrale et toute sa puissance, la foi, mais pas forcément, des chapelles, des colonnes, des piliers, des arcs, de grandes orgues et des escaliers en colimaçon et des chants qui font vibrer la pierre. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est sur l'île de la Cité. Tous les matins, il y en a, je ne dis pas bêtises, il y en a au moins 15 portes. Je commence 6h du matin. Pardon ? 6h. Ça, c'est la Vierge que je préfère tous les matins pour dire bonjour comme le fidèle. Le bonjour à la Vierge d'abord. Et oui, la Vierge Notre-Dame de Paris. C'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui rentre pour la première fois. On se sent quand même un peu petit. Et pourtant, on n'est pas écrasé. On est à la fois petit, mais je pense qu'on est saisi par la beauté. Par la beauté. Vous êtes saisi par la beauté. Allô, M. Santos. Ça va? On se sent bien. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Voilà. Donc on attend les collègues pour ouvrir la porte d'entrée. Moi je suis souvent au fond de l'église pour voir comment les gens réagissent. Eh bien ils sont, voilà, ils ne parlent plus. Oh, voilà, on est saisis. Après ils reparlent, n'ayez crainte, et moi je suis là pour leur dire « Chut !» Vous savez, c'est comme les icônes. Quand vous regardez une icône, vous la regardez. Et puis il y a un moment, c'est l'icône qui vous regarde. Eh bien, par analogie, je dirais, quand vous êtes dans cette cathédrale, vous regardez, et il y a un moment, vous avez l'impression que c'est... Mais il faut du temps. C'est la cathédrale qui vous regarde et qui vous dit, t'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis là. Vous 45, 8h moins le quart, tous les matins. Il est 44. C'est bon, c'est l'heure, on y va? Mon ami? Là, il faut que j'ouvre la porte. Splendeur de Notre-Dame. Bonjour, monsieur, dame. Allez-y, entrez. Alors, Georges, c'est l'heure, hein? Voilà, donc ça y est, c'est parti. C'est parti, les fidèles commencent à entrer, donc la messe va lancer à 8h. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. Ça y est, Jiga, il est là, à l'école, là. Un jour, je suis entrée dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris pour découvrir l'orgue en compagnie de Bertrand Catiot, venu spécialement pour accorder les 8000 tuyaux du grand instrument. Le soleil n'était pas encore couché, et je me suis retournée, sans imaginer que je me trouvais à hauteur de la rosace occidentale. J'ai senti mon corps basculer en arrière, sans comprendre que j'étais éblouie. Les couleurs immenses m'avaient transpercée. Depuis, j'ai sillonné la cathédrale à la recherche de sa beauté. Dans les yeux de ceux qui l'arpentent chaque jour et qui ne s'habituent pas à la voir. J'ai récolté des morceaux de détails qui finiraient, je l'espérais, par reconstituer le dessin de la rosace que j'avais vue derrière l'orgue un soir de juin. Le problème, on a une messe à 8 heures, donc il va peut-être y avoir un peu de bruit. Coisa maravilhosa, indescritível. Hoje está dia maravilhoso. Forte e formosa catedral. A arquitetura. Bangunan ini memang sangat cantik dan saya. Maravilhoso. 13 millions de personnes viennent chaque année arpenter la cathédrale, ce qui est en fait un des endroits les plus visités au monde. On pourrait croire que sa beauté est universelle. Moldavie. C'est que tout a été pensé depuis la première pierre posée en 1163. Pendant près de 100 ans, elle a été façonnée par des hommes pour éblouir ceux qui s'y rendraient. Sa situation au cœur de Paris, entourée par les bras de la Seine, la pureté de sa géométrie, des rosaces parmi les plus grandes d'Europe, des ferronneries d'exception, des sculptures innombrables, une charpente aux 1300 chaînes, et bien d'autres détails encore. C'était alors dans un même et ultime but que tous puissent y trouver la présence de Dieu. Aujourd'hui, que l'on ait la foi ou que l'on ne croit pas en Dieu, la beauté de Notre-Dame est toujours là, et l'on peut y succomber avant même d'y penser. Ça va sonner dans 15 secondes. Moi, je me bouche les oreilles. C'est exceptionnel. Nous venons d'entendre 6 cloches. Quand elles se sont arrêtées, à aucun moment vous avez entendu ces effets vibratoires déplaisants quand elles ne sont pas accordées et ça vous donne mon, mon, mon, mon. Ça, nous ne l'avons pas entendu. C'est la preuve qu'elles sont parfaitement accordées. Et ça, ça tient du génie. Jean-Paul, son ami Laurent et les cloches. Elles sont vivantes pour vous ? Oh, ces mots-là, c'est intemporel. C'est au-delà de nous-mêmes, ça nous dépasse. C'est quelque chose qui ne nous appartient plus. Nous avons le privilège d'être dans le beffroi. Évidemment, peu de gens peuvent y avoir accès. Mais on peut en entendre les effets directs sur le parvis. On a la même émotion. Et vous savez, qu'est-ce que le beau ? Eh bien, moi, je pense que le beau, c'est quelque chose qui suscite un étonnement et une émotion. Et il ne peut pas y avoir de beauté sans émotion, donc sans vibration. Et ça, je pense que c'est un langage universel. Le beau, c'est quelque chose qui vous envahit malgré vous. Vous savez, vous pouvez regarder une chose belle 1000 fois. Et si vous vous surprenez à voir encore quelque chose de nouveau à chaque fois que vous la voyez, c'est que cette chose est belle. Ça peut être un tableau, un paysage et une cathédrale. Prenez un exemple. Je travaille à Versailles et j'habitais rue Saint-Martin à Paris. Et tous les matins, et tous les soirs, je passais devant Notre-Dame. Je traversais à pied pour aller prendre le train au pont Saint-Michel, 5 à 6 jours par semaine. Je l'ai fait de 1989 à 2009. Eh bien, jamais je ne me suis lassé de Notre-Dame. Il y a toujours eu un coup d'œil parce qu'à chaque jour, je la voyais différemment, mais pire, j'en voyais un détail nouveau. Et c'est ça, la magie de Notre-Dame de Paris. Elle vous étonne toujours. Elle a quelque chose d'universel. En tout cas, c'est les quatre plus petites, mais quand on est à côté, elles restent quand même assez grosses, quoi. Souvent de venir sous les cloches tous les deux ? Ah oui, mais ça nous arrive plusieurs fois. Oui, et je savais bien avant même que l'on décide ou qu'on imagine dans le cadre des 850 ans de Notre-Dame qu'on a fêté en 2013, quand on s'est dit tiens, on pourrait refaire les cloches. Donc je connaissais déjà Jean-Paul, je savais que Jean-Paul était passionné. On s'est dit ben, revenons à l'état tel qu'il était au début des années 1790. Donc c'est-à-dire 8 cloches dans la tour nord et 2 bourdons dans la tour sud. Voilà. On a rajouté plus de 20 tonnes de bronze de cloches. Donc je vous laisse imaginer, les fondeurs de cloches et les installateurs de cloches, c'est un art. Il faut avoir une sorte de génie, une sorte de folie pour aller accrocher comme ça et suspendre des cloches qui font 5-6 tonnes. Voilà. Vous voulez qu'on monte à l'étage ? On va voir le bourdon ? Bon, bah allons-y, c'est par là. Il y a des planches qui bougent là, mais ça va. Quand je suis venu, j'avais 17 ans, avec l'un de tes prédécesseurs. Eh bien, déjà à l'époque, il me prêtait ses clés. Et je montais seul ici, et c'était un jour de l'Assomption, donc en plein 15 août, et comme toujours à l'époque, il y avait un célèbre orage du 15 août. Donc je suis monté ici sous une pluie battante, et donc j'ai eu le privilège de voir sonner le bourdon. De voir ? Et de le voir. Et j'étais exactement en bas ici, j'ai jamais osé aller plus loin, et mes jambes tremblaient. Et surtout de voir, je vous répète, 13 tonnes qui se balancent. Hein. Et donc, avant que d'obtenir le premier tintement, il se passe un certain temps. Avant que ça ne sonne, on regarde la cloche balancée et on voit le battant qui pèse quand même 300-400 kilos, non ? 500 à l'époque. 500, pardon. Et alors, là, vous avez carrément le cœur qui palpite d'appréhension, et on se dit mais non, ça va pas sonner, mais non, mais non, mais non, puis encore un coup, et puis là, ça y est, vous ne pouvez plus parler, parce que quoi que vous fassiez, le son de votre voix est couvert par le bourdon. Ah, il y a de la concurrence. Attends, on va écouter. Donc, le bourdon s'élance, sonne pour la première fois, enfin pour moi, et après ça, ça y est, il est lancé. Il y a comme une espèce d'allégresse qui résonne en permanence, et là, il bat son plein. Et ce qui est incroyable, c'est que les moteurs ont quelquefois dératé, et vous sentez en pleine grande volée un petit temps de respiration, et c'est reparti, et ça vous soulève de terre. Et puis, surtout, quand vous êtes ici, toute la charpente bouge. J'étais complètement médusé, en état de sidération. Et donc, je m'en souviens encore. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, ça recommence comme au premier jour. Donc, ça n'a pas varié d'un poil. Et comment ça se fait ? Que dire ? Thank you. ça vous fait pleurer, les cloches? Ça a toujours été. Je ne sais pas. Ça m'émeut tellement. Et c'est pas d'aujourd'hui. Même étant petit, ça me troublait. Le problème de la cathédrale, c'est qu'il y a de la beauté partout, donc on peut pas... Tout est très beau. Olivier et l'orgue. C'est étonnant de voir qu'on peut arriver à Notre-Dame fatigué et en repartir en forme. Ça, c'est quand même ce qui me marque le plus, quoi. Le fait de jouer les offices, d'improviser, etc. On ressent, mais complètement ressourcé, quoi. C'est étonnant. Cette cathédrale, c'est qui vous énergise. Il suffit de rester 5 minutes debout à la tribune, et puis ça y est, c'est reparti pour 6 heures de travail à l'orgue, sans problème, quoi. J'ai commencé l'orgue à 12 ans. Donc effectivement, les premiers disques que j'ai eus, c'était Edmund Walcha, un organiste allemand avec Bach, et Pierre Cochereau, de Notre-Dame de Paris. J'ai jamais imaginé que je serais organiste à Notre-Dame jusqu'à y être, en fait. Jusqu'au dernier moment du concours, j'ai pas pensé que ça pouvait fonctionner. J'ai passé ce concours terriblement détendu, puisque je savais que ça n'allait pas marcher. Et en fait, ça marchait. Voilà. Donc, à partir de là, on sent la charge qui vous tombe sur les épaules, le poids de la tradition, le poids de l'histoire. Et puis on se dit, bon, ben voilà, maintenant, faut y aller. Hein. Ce qui m'a surtout marqué, et c'est à chaque fois la même chose, sont les ordinations. D'avoir les prêtres qui sont allongés sur le sol du chœur et l'ensemble de la cathédrale qui chante, de la foule qui chante les litanies. Et en fait, dans les litanies, on invoque un saint particulièrement et toute la foule répond « Priez pour nous » en chantant. Et on a vraiment l'impression, comme en plus les gens sont tournés vers le chœur de la cathédrale, donc on a les gens de dos, on a l'impression que c'est la cathédrale qui chante. Et j'ai cette impression dans la tête quand je joue, c'est de savoir que l'orgue fait aussi chanter la cathédrale de la même manière. C'est-à-dire qu'on va se trouver derrière un pilier du chœur, très loin de l'orgue, puisqu'on sera au moins à 80 ou 90 mètres. On va avoir l'impression que le son vous enlace complètement, comme ça, vous entoure et vous prend complètement. Finalement, le vrai instrument de musique, c'est la cathédrale, ce n'est plus l'orgue. C'est la tribune, ça va être le bois, ça va être ceci, ça va être cela, ça va être la pierre. Donc on est dans l'instrument, c'est ça qui est fantastique. Mais quand même, c'est la... Oui. D'accord, merci. Je vais jouer maintenant. Vous êtes où là? Parce que vous en avez pour combien de temps? J'en ai pour 3 minutes. Ah oui, oui. C'était le 28 juin 1980, mon ordination. Alors ça, je peux vous dire, je m'en rappelle, comme si j'y étais. On n'était pas nombreux, hein, on était 7. Ce qui m'a le plus impressionné, vous savez, c'est quand il y a la prostration, quand nous, prêtres, on est par terre, hein, et qu'on entend la prière, les litanies des saints. Et alors après, quand la litanie est terminée, vous vous levez, vous restez à genoux, et puis il y a l'archevêque qui vous impose les mains, et après, tous les prêtres. Pour signifier que nous rentrons dans l'ordre des prêtres. Ça aussi, c'est très important. Vous sentez une puissance, une énergie qui passe à travers ce geste des mains sur notre tête. On sent. Hein. Mais c'est beau, d'abord le geste est beau. C'est un vertige. C'est à la fois un peu terrifiant et à la fois merveilleux. Terrifiant parce qu'on se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et beau parce qu'on dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et voilà. Pourquoi ça vous fait rire? Bah, c'est la vie à 200 à l'heure, quoi, en fait. On est là, comme ça, on a l'impression qu'on rentre, particulièrement à la tribune, où on sait qu'on a eu 50 prédécesseurs qui ont joué l'orgue depuis 8 siècles. Et plusieurs fois, ça m'arrivait en jouant, comme ça, de me dire « mais c'est pas moi qui fais ça, je peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi ». Et en fait, la sensation d'être réellement simplement un vecteur entre une dimension autre et puis notre dimension terrestre, quoi. Mais comme on dit, on peut préparer la grâce, mais on ne peut pas s'assurer qu'elle soit là à chaque fois. Vous avez dit le mot grâce. Est-ce que pour vous, c'est la même chose que la beauté? En une certaine mesure, oui, c'est un petit peu la même chose. Mais... la beauté se voit, la grâce s'atteint. On n'atteint pas la beauté, elle se présente à nous. La grâce est une forme de beauté, mais il faut la mériter quelque part. Autrement dit, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Mais c'est vrai qu'un bâtiment comme Notre-Dame aide justement à trouver cette inspiration. Comment vous la préparez alors, la grâce? On la prépare justement sur un plan spirituel, en essayant de se mettre dans l'atmosphère quand on arrive, etc., en étant dans de bonnes conditions physiques. on travaille aussi techniquement, on travaille d'interprète, de musicien, d'instrumentiste. Et puis après, on espère. Ah, je crois que j'ai un... D'accord, ok. Pratique. Vous devez repartir encore? Oui, il faut que j'aille jouer la communion, là. Alors, elle n'a pas tout à fait fini. C'est l'oraison. Ça va être la fin de la messe. Le Seigneur nous soit béni. Et que Dieu tout puissant vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Le recteur Patrick Chauvet et la statue de la Vierge au pilier. Voilà. Le lieu que je préfère, c'est celui-là. On est juste à la Vierge, qu'on appelle, pas la Vierge du Pilier, parce que c'est Notre-Dame de Paris, mais regardez, voilà, tout est en mouvement. Regardez un peu son drapé, même ses cheveux sont en mouvement, tout est en mouvement. La statue est superbe. Le visage, le visage de la Vierge, et voilà, il y a plein de tendresse. Elle est vivante. Je suis sensible en tout cas à la tendresse. La tendresse d'une femme, voilà, Marie, elle est tendre. Et donc nous, comme hommes, on a une tendresse aussi qu'on doit donner. Alors moi, je ne peux pas la donner, on n'est pas mariés, nous. Donc comment je vais exprimer la tendresse auprès des gens qui viennent à Notre-Dame? Bien, je vais leur dire bonjour, je vais leur demander comment ça va, s'ils ont des soucis. Voilà, je vais les reconnaître. Et vous savez, quand on est reconnu, c'est un signe de tendresse. On dit, mais ici, on nous regarde, on est quelqu'un. Donc je fais ça. Et puis, et je crois que ça touche. En tout cas, moi, ça me rend heureux. Mais voilà, moi, je trouve que c'est beau. Je vais chercher mes chiffons. bon. Quand j'arrive, la première des choses, je commence à nettoyer le podium. Gloria et les chapelles. Fini le podium, je commence mes chapelles, à nettoyer mes chapelles. Il y a 27, je crois. 27 chapelles. Tous les jours, vous faites toutes les chapelles ? Oui, tous les jours. J'aime, c'est mon boulot, voilà. J'aime bien faire les poussières. Et j'ai une admiration à chaque chapelle. Chaque chapelle, j'ai ma façon de la respecter. Quand je rentre, par exemple, je parle, je dis bonjour, voilà. J'aime. Je sens, c'est comme j'ai une présence, je ne sais pas, comme ça. Une force qui me donne envie de travailler, qui me donne... je ne sais pas. Vous êtes catholique ? Non. Non, je ne suis pas catholique. Je suis musulmane. Mais je respecte chaque religion. Je respecte les religions, voilà. Voilà, chaque matin, je passe par toutes les chapelles. Ça fait 18 ans que je suis là. Ça fait 18 ans. C'est la couronne d'épines. La couronne d'épines. Il paraît que c'est la vraie. Il n'y a pas beaucoup de poussière. Maintenant, ça va. C'est en été qu'on a beaucoup de poussière. Vous la trouvez pas belle celle-là ? Je les aime toutes, mais celle-là, je sais pas. Je l'aime plus que les autres. Pourquoi vous l'aimez bien ? Je sais pas. Je peux pas expliquer ça. Je sais pas, c'est la chapelle que j'adore. Saint-Denis. Je demande comment ils ont fait ça, ainsi de suite. Tous les dessins, tous les... La statue, là. On va faire ça, quand même. C'est des belles sculptures, voilà. Très, très jolies. À mon avis, d'après, qu'est-ce que je vois, c'est l'histoire de Jésus quand il est né, non ? Parce que je vois des rois ici... Voilà, et ses serviteurs. C'est magnifique. Nous, la Vierge Marie, elle existe chez nous. C'est la maman de Christ, chez vous. Voilà, Mariam. Alors, c'est... Nous aussi, on parle d'elle. C'est quoi la beauté pour vous, Gloria ? Tout. La beauté pour moi, tout est beau. Chaque chose, elle a sa beauté. Je sais pas, tout est beau. Voilà, pour moi, tout est beau. Oui. Moi, je suis comme ça. J'aime les choses. Même si elle est moche pour les autres, pour moi, elle est belle. Parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et c'est Dieu qui l'a créée. Pas belle pour une raison. Voilà. Il y a des raisons pour ça. Là, on va aller à l'horloge. Elle est dans la charpente. Donc on va monter là. On va. L'écusson de la Vierge qui est sur la croisée d'ogive principale au plafond. Et ben l'horloge, elle est posée sur le plancher au-dessus, juste au-dessus de la Vierge. Et on est posé sur la Vierge. Toujours quand on rentre, il y a toujours une première image forte. Quand on arrive, là vous avez un clair-obscur parfait. Olivier et l'horloge. Vous regardez la pièce en bois vitrée au milieu de la charpente et l'horloge elle est là à l'intérieur. Et au départ, vous voyez, c'est tout sombre. L'impression qu'il n'y a rien. Et à un moment donné, vous voyez le volant d'inertie du mouvement qui se déclenche toutes les 20 secondes et vous commencez à l'entendre. Vous avez entendu, non? Tic. Et hop, le volant qui s'est mis à tourner. Non. Donc là, vous entendez que l'horloge. Vous avez le tic-tac qui bat la seconde. Et là, tac, toutes les 20 secondes, c'est le mouvement qui s'échappe. La force qui s'échappe. Vous avez entendu le clic ? Là, vous avez le cadran témoin. quand vous voyez la découpe des ponts, quand vous voyez la découpe des platines, ou même la façon dont est travaillé les vis du berceau, déjà là vous voyez, là c'est artistique ça. C'est des maîtres quoi. Quand on fait ça, c'est. Là, j'ai déjà vu des écrous comme ça. Vous voyez les espèces de fleurs là. C'est déjà c'est beau quoi. Qu'est-ce qu'elle vous apporte Notre-Dame à vous ? Bah moi j'ai un parcours un peu compliqué, donc Notre-Dame c'est un peu une résurrection quoi. C'est un Graal quoi. Disons que professionnellement j'ai quand même un profil qui est un peu atypique, dans le sens où j'ai commencé dans le monde de la finance, avant de me reconvertir par passion dans l'horlogerie. Donc j'avais un rêve dans l'horlogerie qui était de travailler sur des grandes complications en Suisse. Donc j'ai eu un parcours de cette reconversion qui m'a conduit jusqu'à aller travailler en Suisse. Et puis bon, les raisons économiques et familiales qui ont fait que ce rêve, je me suis un peu brûlé les ailes quoi. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est un peu. Il y a quand même de la noirceur. Et humainement, c'est très difficile à vivre. Pour moi qui avais un peu vécu un drame dans cette évolution de carrière, je me suis retrouvé le premier jour ici et là, j'étais ébloui, quoi. Déjà, elle impose. Déjà, vous voyez, le mouvement, il est énorme. On a l'impression qu'il est lourd, mais regardez, tous les piliers sont ajourés. Vous avez ces différentes matières qui ont travaillé avec le temps, et c'est beau, quoi. Donc, je viens tous les jeudis ici, et je retrouve ma légèreté et mon émerveillement toutes les semaines. Mais bon, le reste de la semaine et le reste de l'année, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même toujours forcément la noirceur autour. Et on a l'impression d'être quand même très protégé ici. Et c'est pas du tout, même si on est dans un symbole chrétien, c'est pas du tout religieux, mon attitude, quoi. Je suis un peu fâché avec ma foi. Je dois dire que, bon, non, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Est-ce que vous pensez que la beauté sauvera le monde ? Honnêtement, je suis persuadé qu'elle finira par y arriver. La beauté finira par sauver le monde. Je pense sincèrement que c'est la beauté qui gagnera. Je vais remonter mon poids. Est-ce qu'on peut se resserrer un petit peu? Si la tribune garde, à côté du plancher central. Alors, s'il vous plaît. Vous voyez mon pointeur, non? Il est sur l'autel. Alors, suivez-le. In the middle of the room stands a monumental statue of Saint Denis. This is known as a cephalophore. Vous voyez ou pas? Oui, oui. Je le fais tourner, il tourne. Tout le monde le voit? Chaque stalle, en fait, est dotée d'une petite avancée. Et regardez au niveau des arcades, en partie basse, sous la rosace, comment cela est serti dans la pierre. Vous voyez peut-être mieux ici. Pour la partie basse, la partie haute, on la commande. Encore. Avancez. Voilà, là, c'est bon. Et voilà. C'est dans l'axe de la... Vous êtes pile dans l'axe de la rosace. Philippe et les pierres. Alors là, on est donc au pied, exactement au pied de la rosace sud. C'est-à-dire celle qui donne du côté de la Seine. Et donc on est à... attendez, vu de nez, on doit être à 20 et quelques mètres du sol, dans la croisée du transept. On n'a même pas de recul pour la voir, parce qu'on la touche. Mais non, vous avez quoi, à peine 80 cm, même pas pour... Vous voyez, entre la rosace et le garde-corps, il y a 70 cm et le vide en dessous. Et donc personne, évidemment, ne vient là. Donc vous voyez, la couche de poussière est assez... Qu'est-ce que vous touchez? Machinalement, je passe le doigt sur un, vous voyez, sur un petit vitrail, petite pièce de vitrail jaune. De toute façon, cette rosace-là pétarade déjà de lumière et de feu, mais ça serait encore bien davantage si c'était nettoyé. On le fera peut-être. Quand j'ai été nommé architecte en chef de Notre-Dame de Paris, je crois le lendemain, je suis venu ici, ou surlendemain, enfin je sais plus, et on m'a donné le pass réservé à l'architecte en chef qui ouvre toutes les portes. Et donc je suis allé porte par porte, et puis je suis arrivé ici. En fait, je me suis trompé parce que je pensais arriver à l'étage en dessous. Donc j'ai monté l'escalier, et puis j'ai ouvert la porte, j'ai pris ce petit couloir noir là qu'on vient de prendre, et tout d'un coup, paf, je me suis retrouvé comme une explosion de jours, de volume, de couleurs, de lumière, là où on est aujourd'hui, devant cette rosace, et la rosace nord en face, et moi au pied de la rosace sud. Bon, alors là, on a toujours envie de monter, mais en fait, on va descendre, parce qu'au moins, on va aller faire le tour des tribunes du chœur. Il y a une vision sur l'axe de la cathédrale, donc on voit les grandes orgues, on voit la rosace, on voit tout ça, c'est très beau. Donc on va y aller, il faut descendre un petit peu, jusqu'à ce que vous voyez une grande porte. J'aime bien, vous voyez, c'est la rumeur. On est au calme, on est dans un espace qui fait 8 mètres de haut quand même, mais vous voyez, on entend vivre la cathédrale. Ce qui est fascinant pour moi sur l'architecture gothique, c'est que c'est une architecture complètement nerveuse. Vous voyez, quand on lève la tête et puis qu'on voit les voûtes, les nervures qui sont ici, elles ont un poids, un propre poids, elles dirigent des poussées, donc en fait le mur est actif, c'est pas juste un mur, c'est là actuellement, au moment où on parle, vous avez la poussée, le poids de la voûte qui est en train de s'appliquer sur le chapiteau, qui lui-même applique une poussée sur l'arc-boutant, qui lui-même le renvoie de l'autre côté, c'est un équilibre, et à l'heure où je vous parle, c'est un édifice qui bouge, qui est en tension, qui est vivant. Donc ça, moi j'adore, parce que je me dis, une colonne, Vous voyez cette petite colonnette-là, elle la prend sur la tête, bon, le poids du chapiteau, puis elle va prendre toute la maçonnerie qui est au-dessus, plus tout le mur qui est au-dessus, vous voyez, tout ça, elle supporte tout ça, cette petite colonne. Et peut-être pas celle-là, mais il y en a quelques-unes qui sont assez fines. Quand vous les tapez, vous avez... je sais pas, on va essayer, mais je sais pas si celle-là, ça va marcher, mais parce qu'elle est quand même grosse, celle-là, mais... Vous sentez qu'elle vibre. Cette pierre, elle est en compression, elle est en tension, elle vit. Et ça, c'est génial aussi, ça, c'est... C'est presque rassurant quand même d'avoir une architecture comme ça. Notre-Dame, c'est rassurant pour plein de raisons, parce que les murs sont là, les colonnes sont grasses, les chapiteaux sont joufflus. Vous avez les voûtes qui sont là en sexpartite, on dirait un parapluie. Ça vous couvre, ça vous envoûte, ça vous coiffe, c'est quelque chose de formidable. La lumière, elle est pas trop forte, c'est pas éblouissant, vous avez juste ce qu'il faut de lumière. Les chapiteaux qui sont là régulièrement comme ça, ça vous donne un petit niveau croustillant. Vous voyez, toutes ces petites feuilles là qui sont bien craquantes, regardez comme ça, on a l'impression que c'est de la laitue tellement c'est ça qui est beau, que vous avez poussé à son paroxysme dans d'autres cathédrales. Vous avez cette fois des espèces de crochets tellement longs, tellement qu'on a l'impression que c'est fragile, que les vitraux sont très clairs, très lumineux, vous avez été un peu ébloui, tandis qu'ici non, c'est mesuré, c'est en fait on se sent bien dans cette cathédrale. Moi je me sens bien là-dedans. Donc je m'occupe aussi du château de Chambord. Et le jour où j'ai appris que j'avais été nommé à Notre-Dame, j'avais fait exprès d'aller à Chambord pour aller faire un diagnostic sur des escaliers. Toute la matinée, je savais qu'il y avait la réunion au ministère. Alors je regardais discrètement mon téléphone en disant oh, là ils en sont, oh, là, ça doit être commencé. Puis après midi, ah ben là ils doivent avoir fini, peut-être qu'ils doivent être en train de déjeuner. Puis après à 14h, là quand même. Puis après vers 16h, je dis ben là ça doit être fini. Et puis le téléphone a sonné, c'était le président de la compagnie de l'époque qui m'a téléphoné, qui m'a dit, alors j'étais dans la cour du château, et qui m'a dit est-ce que ça te dirait d'être architecte en chef de. Et j'étais là, je me disais de Notre-Dame de Paris, et là j'ai fait oui, et là j'ai eu les jambes qui ont flageolé complètement, et puis j'ai raccroché après, et là je peux vous dire ça m'a mis des étoiles partout dans la tête. C'est vrai, parce que jeune, j'avais visité Notre-Dame avec mes parents un jour de Pâques. C'était Pierre Cochereau qui était aux grandes orgues, et j'avais déjà des petits Lego. Alors donc arrivé chez moi, je me suis dit je vais construire Notre-Dame en Lego, en mettant de la pâte à modeler pour avoir des arcs, etc. Bon. Et donc, progressivement, j'ai laissé tomber les Legos. J'ai dit, tiens, on va faire des maquettes avec du bois, ça sera plus rigolo, tout ça. Et là, j'ai fait une maquette de Notre-Dame dont j'avais 16 ans. Et j'ai vraiment pénétré dedans. Je l'ai étudié, je l'ai analysé, retourné dans tous les sens, avec les plans, les coupes que je cherchais un peu à droite, à gauche. Et là, ça a été, boum, la révélation, parce que je suis vraiment tombé amoureux de mon métier à ce moment-là. Quand j'ai été nommé architecte en chef de Notre-Dame de Paris, c'était au mois de mars. Et alors, le lendemain matin, je suis venu, j'étais en voiture. Comme il y a toujours un petit peu d'orgue dans ma voiture, et puis que c'était au mois de mars, il n'y avait pas encore de feuilles aux arbres, je suis passé le long du quai des Tuileries. Et il y avait à l'époque, dans ma voiture, c'était un prélude des fugues de Marcel Dupré joué par Cochereau à Notre-Dame. Et c'est tout d'un coup, au moment où le tutti éclate, à travers les arbres, j'ai vu surgir les tours de la cathédrale, et là, j'ai éclaté en sanglots. Et là, le fait de vous en parler, ça me... m'émeut. Lux aeterna lucia teis, lucia teis. Après, je ne me souviens plus trop. Mais par contre, je me souviens que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Eterna lucia teis, lucia teis, la la la la. Je crois que c'est ça. on rentre, c'est beau. Quentin et l'adoration. On avait enlevé une partie des chaises de la nef, ce qui faisait qu'on avait un grand espace libre où les gens s'asseyaient sur des tapis, il me semble. Il y avait beaucoup de jeunes, ça je m'en rappelle bien. C'est un moment essentiellement silencieux, avec parfois quelques chants, mais très doux, très calmes. Ils avaient éteint la plupart des lumières de la cathédrale et ils avaient laissé surtout essentiellement des lumières de cierge un peu partout. Je crois que je me suis appuyé contre un des piliers, si c'est ça. J'ai juste fermé les yeux et je suis resté dans ce silence. Et c'est là, c'est exactement à ce moment-là, j'ai senti une sorte d'enveloppe chaleureuse qui est venue me recouvrir, une sorte de bien-être. Ça a duré quelques minutes, très court, hein, très très très court. En fait, je, sur le moment, je me suis rien dit, je me suis laissé aller à ce sentiment. Là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui me dépasse et qui fait que je suis heureux, je ne peux pas l'expliquer. Et très vite, au bout de quelques minutes, je me suis repris en me disant « Non mais, tu te laisses, t'es complètement en train de... Ton corps est en train de s'abandonner à quelque chose d'irrationnel. Je n'y voyais pas d'intérêt, je n'y comprenais pas le sens du tout. Et puis j'en ai pas envie, quoi. » Et donc je suis ressorti, très vite. Tout ça a duré très peu de temps. À tout casser, ça a dû durer 10 minutes entre le moment où je suis rentré et je suis sorti. J'étais incapable, je pense, au fond de moi-même, de reconnaître qu'il y avait des choses qui me dépassaient. Et c'est là, vraiment, je crois, pour la première fois de ma vie, que j'ai découvert la beauté de la cathédrale dans toute sa dimension spirituelle. Avant de quitter Notre-Dame de Paris, je suis retournée voir, avec Bertrand Catiot, la rosace qui m'avait éblouie. Tu retiens ? Voilà, là on est sur le toit de l'orgue, avec derrière moi la rosace de la façade occidentale. C'était Splendeur de Notre-Dame. C'est les travaux des champs, donc c'est les saisons à travers les travaux des champs. On voit les moissons, donc un homme avec une faucille qui va couper des gerbes de blé. Avec. Et puis après, là, on voit, on écrase le blé, c'est un autre médaillon. Joachim Hiroudayanathan. Après, on arrive aux vendanges. Patrick Chauvet, Laurent Prade, Jean-Paul Gousset, Olivier Latrie, Gloria, le printemps avec les Olivier fleurs, Chandez, sur la gauche, Philippe Villeneuve, les animaux, les signes du zodiaque, Isabelle Pellistrandi, le bélier. Qui se trouve ici. Quentin Henrique. Tous les poissons, entre les poissons et puis ça va être le Sagittaire, je pense. Ou non, le. Bertrand Catiot. Le taureau. Et les chanteurs de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Voilà, j'aime bien le bélier. Merci à André Finot, Suzy Martin, Henri Chalet, Traoré, Philippe Guyonnet, Père Perry, Père Terrien, Giselda, Delphine Dos Santos et Andrew Talon. Prise de son Yann Fressy. Mixage Pierre Mine. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Diffie Mariani. Puis évidemment, en majesté, la Notre-Dame qui rayonne, elle aussi. Voilà. Elle rayonne sur toute la cathédrale. C'est le point central du vitrail. Mais on n'y va pas tout de suite. Tout le vitrail se réunit au centre et c'est Marie, puisqu'on est la cathédrale Notre-Dame. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous élever, bibliographie, lien, nous podcaster pour la messe ou nous réécouter sur le parvis, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter LSD Série Doc. Demain, troisième étape, la beauté cachée. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.